L'église de Laodicée vivait dans les illusions d'une fausse piété. Elle se croyait riche alors qu'elle était spirituellement pauvre. Elle se contentait d'une vie religieuse médiocre et tiède. Satisfaite d'elle-même, elle était devenue aveugle sur son hypocrisie. Aussi le Seigneur s'est-il adressé à elle sur un ton particulièrement sévère. « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Apocalypse 3, 15 à 16. Pour prévenir la propagation d'un cancer, le chirurgien est souvent appelé à extirper la tumeur maligne. Dans la lettre à l'église de Laodicée, il me semble voir le divin chirurgien décidé à opérer pour que la vie du patient soit épargnée. Si son bistouri s'attaque à la tumeur, c'est pour prévenir la contamination des tissus environnants. De même, il était encore possible aux chrétiens de Laodicée d'échapper à la condamnation où les entraînait l'hypocrisie de leur fausse piété, mais au prix d'une intervention douloureuse. La fin de la lettre à l'église de Laodicée laisse entendre que certains de ses membres ont écouté les avertissements du Seigneur et, comme il le demandait, ils se sont repentis. Non seulement ils ont alors passé de la perdition au salut, de la mort à la vie, mais ils se sont enrôlés dans les rangs des vainqueurs, ceux que le Seigneur récompensera un jour. Nous sommes-nous contentés jusqu'ici d'une vie religieuse où Christ est absent? Il est temps de prêter l'oreille aux exhortations de celui qui nous avertit pour notre bien. Il nous prodigue des conseils salutaires, car il désire que nous devenions ou redevenions des vainqueurs pour Dieu. Le Seigneur Jésus a effectivement adressé à l'église de Laodicée de précieux conseils. Relisons Apocalypse 3, 18. « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. » Quel était-il donc, cet or éprouvé par le feu, si nécessaire à l'église de Laodicée, sinon la foi? Cette foi divine, éprouvée, à laquelle l'apôtre Pierre fait allusion dans sa première épître. « Que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Première épître de Pierre, chapitre 1er, verset 7. Le Seigneur permet parfois certaines épreuves, même dans le domaine matériel, afin que nous nous attachions au bien qui dure toujours et que notre foi, éprouvée par les difficultés, soit fortifiée pour devenir inébranlable. Mais Jésus-Christ a donné encore d'autres conseils à l'église de Laodicée. « Je te conseille d'acheter de moi des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. » Jusqu'ici, les membres de l'église de Laodicée s'étaient confiés en leurs bonnes œuvres, dont ils se couvraient comme d'un vêtement. Mais ce vêtement n'était qu'illusoire et ne pouvait cacher la honte et la nudité de leur nature pécheresse. Aussi leur Seigneur leur propose-t-il le vêtement blanc de sa justice, c'est-à-dire de son œuvre expiatoire accomplie pour eux à la croix. En d'autres termes, et pour utiliser l'image bien connue de l'Évangile, le Seigneur leur offrait la plus belle robe, celle qui était réservée à l'enfant prodigue de retour à la maison du Père, Luc, chapitre 15, verset 22. Enfin, troisième proposition faite à l'église de Laodicée. « Je te conseille d'acheter de moi un collyre pour oindre tes yeux afin que tu voies. » Les Laodicéens soignaient les yeux des autres, mais ils étaient inconscients des défauts de leur propre vision spirituelle. La chrétienté contemporaine souffre de graves troubles visuels. Citons en premier lieu l'absence de discernement, un mal caractéristique de notre époque. Cette carence rend la chrétienté vulnérable aux séductions qui essaiment partout. Qu'en est-il de la sensibilité de notre acuité visuelle? L'Écriture nous exhorte au discernement. « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » 1 Épître de Jean, chapitre 4, verset 1. De son côté, l'apôtre Paul priait pour les Éphésiens afin que le Père de gloire illumine les yeux de leur cœur. Combien souvent nos yeux spirituels sont obscurcis devant les réalités présentes et éternelles. Serions-nous presbytes, c'est-à-dire que nous n'apercevons nettement que ce qui est éloigné? Nous attendons le retour du Seigneur, nous nous préparons à la gloire future, mais nous négligeons les impératifs de la vie chrétienne quotidienne. À l'inverse, nous pouvons être myopes. Nous ne voyons que ce qui nous touche dans l'immédiat et nous minimisons l'espérance de l'enlèvement de l'Église et du retour de Christ. Nous pouvons aussi être astigmates, c'est-à-dire avoir une intensité de vision irrégulière, ce qui nous donne une connaissance floue et déforme les réalités. Enfin, peut-être sommes-nous atteints d'un strabisme, défaut plus grave et particulièrement disgracieux. Nous ne savons plus regarder droit devant nous. Tandis qu'un œil tente de se fixer sur le chef divin qui est au ciel, l'autre, fasciné par le monde, louche dans sa direction. Que de défauts! Autant de raisons pour demander au Seigneur l'onction de nos yeux avec le collyre de sa vérité en vue de notre guérison. Je vous invite à lire maintenant le verset 20 d'Apocalypse 3. Voici. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. On peut admirer dans la cathédrale Saint-Paul à Londres le tableau de Holman Hunt illustrant ce verset. Il présente Jésus-Christ couronné d'épines et frappant à la porte. L'artiste avait achevé son œuvre lorsque quelqu'un lui fit remarquer « Monsieur Hunt, vous avez oublié la poignée de la porte ». « Non, répondit le peintre, relisez Apocalypse 3:20. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. » Et l'artiste d'ajouter, « Ce n'est pas au Seigneur, mais au pécheur d'ouvrir la porte. Aussi, la poignée ne se trouve-t-elle qu'à l'intérieur de cette porte. » Puissions-nous à notre tour reconnaître la voix de notre maître et lui ouvrir la porte de notre cœur. Dans la conclusion de la lettre à l'église de Laodicée, nous sommes en présence d'un dernier élan d'amour que le Seigneur fait jaillir de son cœur. C'est comme s'il disait « L'église de Laodicée ne veut plus de moi, mais j'ai encore espoir pour ceux de ses membres qui n'épousent pas les opinions de la majorité. J'ai été délibérément rejeté par les tièdes, les indifférents, les propres justes et les aveugles. Aussi vais-je les vomir de ma bouche, mais je suis demeuré sur le seuil de la porte. » Faisant patiemment entendre un dernier appel qui est toute l'expression de mon amour, en espérant qu'au moins quelqu'un y prêtera attention. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. Non plus dans une congrégation, mais dans le cœur de celui ou de celle qui voudra bien accepter mon souper, symbole de repas sacré, de communion, d'intimité avec le Seigneur rejeté. Quand Jésus-Christ pénètre dans notre être, c'est pour exercer sa seigneurie dans tous les domaines de notre vie. Tel est le sens de son ultime proposition au vainqueur de Laodicée. Si aujourd'hui nous lui livrons nos vies et si nous nous identifions à lui dans les renoncements ou sous les coups, nous serons nourris des mets délicieux de son souper, avant-goût des plats succulents de son festin dans le royaume des cieux. Si aujourd'hui nous sommes avec lui dans la solitude du chemin qu'il a tracé pour nous, nous serons un jour, bientôt, avec lui récompensés pour le règne futur en attendant la félicité éternelle. Bientôt, le Seigneur s'assiera sur son trône de roi des rois et de seigneur des seigneurs, et il désire nous associer à ce règne. Si aujourd'hui nous sommes à genoux devant lui, demain nous serons couronnés avec lui. L'apôtre Paul l'a dit. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. 2 Timothée 2:12. C'est ce que montre la fin de la lettre à l'église de Laodicée. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Apocalypse 3:21. Oh, l'espérance qui se dégage de ces derniers mots adressés par le Seigneur à son église, avant les terribles jugements décrits dans les chapitres suivants de l'Apocalypse. Alors que les églises multitudinistes tournent de plus en plus le dos à leur Seigneur. L'Église fidèle de Jésus-Christ est appelée à goûter tout à nouveau la présence sanctifiante de ce Seigneur. Alors que le monde, et même le monde religieux, font la sourde oreille aux appels du Saint-Esprit, nous pouvons encore répondre à l'amour de Dieu qui veut oindre nos yeux spirituels et ouvrir nos oreilles. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Apocalypse 3, 22. À la fin de cette série d'émissions, voulez-vous, chers auditeurs, écouter ce que l'Esprit dit aux Églises ? Le Seigneur se tient à la porte des Églises du XXe siècle. Il frappe. Le laissera-t-on entrer ? Il se tient aussi à la porte de votre cœur. Le laisserez-vous pénétrer dans le sanctuaire de votre vie ? Lui permettrez-vous de partager sa miséricorde et son amour avec vous ? Voulez-vous qu'il soupe avec vous, en vous comblant de ses biens et en répondant aux désirs profonds de votre cœur ? Il veut vous remplir de paix, de joie et de certitudes éternelles. Alors, dites-lui, Seigneur Jésus, entre dans ma vie.